plusieurs années, sans me famer coacher. J'ai décidé de claquer 3000 balles dans une agence patrimoniale. La première s'appelait Minouche, elle se lavait un jour sur six. J'en avais marre de tuer les mouches quand j'allais entre ses cuisses. J'ai passé une annonce dans un journal de rencontre. J'en ai marre d'être célibataire, je ne peux plus être solitaire. J'ai passé une annonce dans un journal de rencontre. J'en ai marre d'être célibataire, je ne peux plus être solitaire. Deuxième s'appelait Henriette, elle était vendeuse de brouettes. Et on s'entendait pas bien, car elle détestait les lapins. La troisième s'appelait Momo, elle faisait du tir à l'arc avec ses 120 kilos. Elle aurait mieux fait jouer dans Jurassic Park. J'ai passé une annonce journal de rencontre. J'en ai marre d'être célibataire, je ne peux plus être solitaire. J'ai passé une annonce dans un journal de rencontre. J'en ai marre d'être célibataire, je ne peux plus être solitaire. J'en ai marre d'être célibataire, je ne peux plus être.